Et notre invité de ce soir, Frédéric Vidal du réseau Solaris, que vous êtes très nombreux à m'avoir recommandé de contacter. Alors finalement, vous voyez, je vous ai écouté et j'ai eu le grand plaisir de faire la connaissance de Frédéric il y a 15 jours. Et c'est vraiment une grande joie, Frédéric, de t'accueillir ce soir dans cette émission. Alors, Frédéric, dis-nous qui tu es d'abord, comment tu vas avant de parler du réseau Solaris dont tu es l'inspirateur. Dis-nous déjà comment tu te sens, comment tu vas, dans quel état tu es pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, j'erre dans l'état de quelqu'un qui est bien grippé. Alors, je m'en excuse par avance parce que j'ai l'air un peu fatigué. Il peut m'arriver de tousser ou de perdre ma voix. Mais bon, passé ceci. Alors, qui je suis? Qui je suis, en fait, quelqu'un qui a fait un chemin de vie comme tout le monde, avec plusieurs métiers. Dans ma vie, j'ai été journaliste pendant un certain nombre d'années, dans une première vie, on va dire. Puis j'ai fait d'autres choses. J'ai travaillé aussi dans la communication, mais j'ai fait aussi d'autres choses. J'ai travaillé dans le son. Je me suis beaucoup intéressé à la physique quantique, à ce qu'elle pouvait nous apporter en termes d'informations dans la matière et notamment dans le son. Donc j'ai travaillé là-dessus aussi pendant pas mal d'années. Et puis est arrivé toute cette grande mascarade depuis 2 ans là, qui m'a fait un peu suspendre tout ce que je faisais. Et j'ai repris très brièvement le clavier maintenant, puisque maintenant c'est plus la machine à écrire, pour faire quelques tribunes dans France Soir au tout début, qui m'ont valu pas mal d'insultes et quelques petits problèmes aussi au niveau de France Soir. Mais enfin bon, je sentais que c'était à la fois pardon, utile pour moi en tout cas, si ce n'est pour les autres. Et puis après, je me suis dit mais que c'était quand même pas la bonne solution. Voilà. Il fallait trouver quelque chose d'autre et il fallait arrêter de se battre déjà de se battre tout court. C'est pas comme ça qu'il fallait voir les choses et surtout pas en tout cas se positionner sur l'échiquier habituel. Donc voilà, et c'est de là que petit à petit est venu assez rapidement finalement et d'un coup l'idée de créer un réseau d'entraide et de solidarité qui posait des premiers jalons très précis d'une autre manière de relier les hommes entre eux et de vivre. Voilà. Donc je ne sais pas si je réponds déjà à ta première question. Tout à fait. Voilà. Après, on présentera, enfin si tu veux, je présenterai le réseau Solaris, tu me diras à quel moment j'en parle, mais au moins tu veux que j'en parle tout de suite. Mais en fait, oui, puisque comme Chloé, donc ceux qui demandent dans le chat, mais où est Chloé, où est Salim? Donc Salim ne sera pas là ce soir, mais il vous a concocté une chronique dont il a le secret, et Chloé s'en vient dans quelques minutes, donc elle aura l'occasion de dire comment elle va au moment où elle arrivera, et donc on va démarrer avec la présentation de ce réseau Solaris dont tu as parlé sur différentes plateformes, et j'ai trouvé intéressant et important que le public de l'info en question puisse avoir connaissance aussi de cette initiative que tu as eue. Je pense que c'était à l'automne dernier que tu as eu cette intuition de lancer le réseau Solaris. Alors, vas-y, présente-nous les objectifs, les valeurs du réseau, et puis de toute façon, on aura l'occasion de te poser des questions pour approfondir certains points. Ouais, alors d'abord, il n'était pas du tout prémédité qu'il ait cette ampleur, hein. Au départ, moi, je suis dans la haute vallée de l'Aude, qui est un endroit où il n'y a pas beaucoup beaucoup d'habitants quand même, hein, c'est en zone de montagne. Et je sentais simplement que c'était mûr pour que dans cette région, c'était mûr pour qu'on s'organise réellement entre nous pour avoir une meilleure résilience, une meilleure autonomie et baser tout ça sur une forme de reliance qui se voulait volontairement de manière appuyée différente, basée essentiellement sur la bienveillance. En fait, c'est le bouche à oreille qui est parti tout de suite et qui a fait que le réseau a essaimé partout, bien en dehors même de l'Aude et même de la France assez rapidement. Donc, c'était pas prémédité qu'il ait cette taille-là au départ. Donc, il a fallu qu'on s'adapte, c'est-à-dire qu'on a été littéralement enseveli d'un coup par un nombre de demandes colossales de de gens un peu partout qui voulaient un coup de main pour lancer le réseau là où ils étaient. Donc on a fait tout à l'arrache. Bon, j'ai eu heureusement tout de suite de l'aide autour de moi, mais quand même, on a eu un sacré boulot et on en a toujours, parce qu'il a fallu structurer des outils de communication, il a fallu structurer des tutoriels, enfin toutes sortes d'outils utiles et répondre beaucoup surtout aux demandes. Donc ça a été un énorme travail et ça le reste encore. Voilà. Le réseau, donc, il est parti d'un constat simple. Les 2 ans qu'on vient de passer ont cet extraordinaire potentiel en eux de nous montrer que ce monde est dingue complètement et qu'il faut passer à autre chose. Mais il y en a qui veulent passer à autre chose à marche forcée, en forçant les populations à les suivre, et qui veulent instituer un ordre mondial qu'ils ont très bien décrit depuis des décennies. Il y a peut-être des gens à qui ça plaît, c'est leur droit, il n'y a pas de problème. Mais il y a une grande partie des populations qui ne veulent absolument pas de ça, et qui veulent une autre relation humaine. Une relation qui revienne vers davantage de bienveillance, de fraternité, capable de travailler en paix, dans le respect du vivant, le respect de la nature, etc., etc. La base de Solaris, c'est avant tout, c'est ça. D'accord. C'est de poser des premières briques très concrètes, puisqu'on a un outil très concret, je vais en parler après, des bases très concrètes pour commencer à bâtir ça tout de suite. Et je pense que c'est pour ça qu'il a eu aussi du succès, c'est que c'était un outil très concret. Donc, tout le monde se demandait comment on fait, et là on avait une solution pour commencer quelque chose. Le deuxième aspect, c'est que ça fait quand même quelques décennies que je fais de la veille sur un tas de domaines, et je suis entouré de gens d'ailleurs autour de moi qui font pareil depuis longtemps, qui ont des domaines d'expertise aussi intéressants, et on sait à peu près où, enfin on voit à peu près où on va. Donc ce qui arrive aujourd'hui, moi personnellement, ça fait pratiquement 20 ans que je sais que ça allait arriver. Mais je savais pas exactement à quel moment ça démarrait. J'ai vu les étapes, hein, 2001, tout ça. Bon, on a vu les étapes, mais l'étape finale, on savait pas exactement pourquoi elle était, et surtout comment elle démarrait. Bon, maintenant on l'a vu, on l'a compris, on sait où on est, on sait où on va. Donc ça veut dire que dans cette veille et cette compréhension ou cette lecture, en tout cas, de cette grille, on sait qu'on va là vers une période de chaos importante. Période de chaos qui veut dire très concrètement pour tout le monde qu'on ne va plus jamais vivre comme avant, mais que surtout beaucoup vont avoir l'impression, en tout cas, de perdre beaucoup. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des difficultés. Donc le réseau Solaris, il est capable aussi, et c'était ça l'outil qu'il propose, de répondre aux besoins de quiconque se retrouve dans des problèmes importants et qui se sent seul. Donc pour ça, on a y compris, je veux dire, dans un contexte où il y aurait des défaillances des services d'État, des défaillances des services privés qui soient importantes, voire totales. Et même des services, et même des réseaux de communication. Donc, pour ça, on a développé un outil très concret. C'est-à-dire, on fonctionne sur trois axes. La création d'un annuaire local. Local, ça veut dire qu'on s'est divisé en cellules, comme les cellules d'un corps humain. Et tout part de la cellule, en fait. C'est la base de l'émergence du réseau, la cellule, toujours. Et chaque cellule, alors, correspond à un village, par exemple. Ça peut être un quartier de ville. Ça peut être même une petite région, des fois, quand les villages sont très éclatés. Et chaque cellule, donc, a son annuaire local. Son annuaire local, ça veut dire que les gens qui veulent bien s'engager dans Solaris et en faire partie donnent quelques informations qui vont être utiles à tout le monde. Ces informations ne circulent pas, elles sont centralisées nulle part, elles ne remontent pas nulle part parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, je vous le dirai après. Elles sont détenues simplement par 3 personnes de confiance au sein du village, qui les mettent à jour et qui les conservent, parce que c'est elles qu'on interrogera quand on aura un besoin. Alors, le type d'information, c'est très simple, hein, en dehors de savoir comment vous contacter, quels sont vos domaines d'expertise, vos compétences professionnelles ou extra-professionnelles, l'éventail de véhicules que vous possédez, les éventuels matériels qui peuvent aider une collectivité en cas de besoin. Est-ce qu'on a des terres cultivables, une serre, est-ce qu'on a la capacité d'hébergement de personnes, que ce soit temporaire ou moins temporaire. Bon, voilà, des choses très simples. Mais avec ces choses-là, on a vu qu'on pouvait répondre à tous les besoins. Donc, cet annuaire, c'est la première base. Mais la deuxième base, c'est le maillage humain. Donc, il faut qu'on maille toutes les cellules les unes avec les autres. Et c'est de manière fractale, de plus en plus large, sur tout le territoire et au-delà du territoire français, etc. Donc, ça veut dire que chaque cellule connaît les cellules limitrophes. Déjà, on invite tout le monde à se connaître, et ils le font, et ils adorent ça. parce que finalement, les villages se rencontrent entre eux, ils travaillent ensemble et tout. Et ça, c'est quand même assez génial. Mais au minimum, les coordinateurs et les référents de l'annuaire de la cellule connaissent ceux des cellules limitrophes. Ça, voilà. Et pareil pour les autres, évidemment. C'est comme ça que le maillage fractal se fait. C'est très efficace, hein. Et le troisième aspect, au cas où il n'y ait plus de communication, on a développé notre propre réseau de communication autonome, qui est un réseau radio. Voilà, c'est moins important, mais j'en parlerai après peut-être, mais rapidement. Donc ça, c'est les trois axes principaux. Pour prendre un exemple concret, qu'est-ce qui va se passer demain si quelqu'un a un besoin particulier? Imaginons par exemple qu'il se blesse, il se casse une jambe. On est donc dans un contexte compliqué, il n'y a plus rien qui marche bien parce qu'on est vraiment dans une situation de chaos économique, social, politique, et ça nous pend au nez quand même, hein. Il suffit de regarder autour de nous, hein, c'est pas compliqué. Ça veut dire que la personne en question ou son entourage peut appeler, contacter le référent de l'annuaire, qui va tout de suite regarder dans son annuaire local s'il y a quelqu'un qui correspond, qui a les compétences ou les matériels nécessaires pour venir l'aider. S'il ne l'a pas dans son village, il va appeler tout de suite les référents des cellules d'à côté, qui vont tout de suite regarder elles aussi, jusqu'au moment où on a quelqu'un. Donc on a forcément à chaque fois toujours la réponse la plus pertinente et la plus rapide qui arrive. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que si on n'entre pas dans l'annuaire, on sert à rien, parce qu'on n'est pas dans le moteur de recherche de cet Internet qui est Internet humain et pas du tout virtuel. Donc voilà le fonctionnement du réseau qui, tu vois, est très concret. Et évidemment, il y a une charte, il y a un fonctionnement derrière tout ça, une charte qu'on a appelée l'esprit Solaris, et ça veut dire que c'est basé sur la bienveillance totale. Donc il n'y a aucun marchandage, il n'y a aucune notion d'échange ni de troc, il n'y a rien dans le réseau. Si tant est que quelqu'un voulait faire ça, c'est pas du Solaris, c'est autre chose, il peut le faire en dehors s'il veut, mais au sein de Solaris, quand on va rendre un service parce qu'on est appelé à le faire, on le rend comme on le fait pour un ami ou un membre de sa famille. On va pas lui demander en échange quelque chose. Si l'autre a envie de te faire un gâteau, c'est avec plaisir. Mais je veux dire, ça reste la relation humaine. Mais c'est pas le principe. Voilà. Par contre, tu recevras toi aussi d'ailleurs un jour lorsque tu auras besoin. Et c'est ça le principe de base. Et la dernière chose importante, donc on n'a aucune hiérarchie, aucune structure. On n'est pas une asso, on n'est pas une entreprise. On est administrativement inexistant. Et on n'a aucune hiérarchie, il n'y a pas de chef. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des leaders, mais les leaders, c'est là où il y a une compétence, c'est pas la même chose. Par exemple, quelqu'un qui a la compétence de coordonner une cellule, d'organiser le fonctionnement des réunions et tout, c'est parce qu'il a la compétence, donc on lui fait confiance. Voilà, si un jour on ne lui fait plus confiance, bah, quelqu'un d'autre le fera. Mais voilà, faut bien faire la différence entre les deux. De même que là, on a des œuvres d'intelligence collective un peu partout qui fonctionnent, c'est assez génial. Bon, moi, si je demande une carte, je vais laisser travailler un cartographe, je lui fais confiance. C'est voilà, sa compétence, il sera donc le leader du projet de la cartographie. C'est normal. Voilà. Mais c'est pas une notion de chef, c'est pas une notion d'hiérarchie. Et c'est ce qui nous rend aussi, je pense, assez fort finalement et qui plaît beaucoup. Et c'est ce qui déplaît également à beaucoup, qui ne veulent pas du bien. Ouais. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour la présentation générale du réseau. Alors, ce que moi j'ai trouvé génial dans l'idée, c'est que finalement, tu reproduis pas mal ce que les réseaux de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale ont fait, c'est-à-dire finalement faire en sorte que d'une cellule à l'autre, les membres ne se connaissent pas et qu'il n'y a pas une centralisation extrême qui ferait que ben, il suffit de toucher la tête pour que toute la structure s'effondre. Cela dit, je vais prendre quelques réactions. Je vois déjà une réaction ici dans le chat qui dit allô, j'étais dans le groupe Solaris Haute-Loire qui a éclaté car il y a bien une hiérarchie et on nous demandait de collecter et transmettre nos données personnelles. Prudence, prudence, nous sommes une quarantaine de personnes en Haute-Loire à avoir quitté ce groupe. Alors, qu'est-ce que tu peux répondre à ce genre de messages qui vient d'arriver sur le chat? C'est très simple qu'il faut pas faire d'amalgame. Si quelque part, à un moment donné, il y a eu une prise de pouvoir, c'est que tous les membres de la cellule en sont responsables. Ils l'ont laissé faire. C'est leur problème et c'est à eux de le régler. Alors là, je suis très net là-dessus. Nous, on a un principe, il est très clair, qu'on vienne pas me dire que Solaris, c'est pas vrai, il y a une hiérarchie, il n'y en a pas. S'il y en a une qui s'installe quelque part, c'est parce qu'on a bien voulu la laisser s'installer. Et c'est là que c'est intéressant, parce que justement, le réseau, il aide aussi à chacun à faire du chemin personnel vers sa propre souveraineté. Donc quand on laisse faire ce genre de choses, alors qu'il est écrit noir sur blanc, que ce n'est pas du tout la charte Solaris, ben, c'est qu'on n'y est pas dans sa souveraineté. Donc au lieu de râler, on travaille sur soi, on se dépasse un peu, on pose les choses à plat publiquement au sein d'une réunion, et on fait en sorte que les choses changent. Voilà. Par contre, pas tout mélanger aussi, parce que j'ai vu en vitesse la réflexion, mais la collecte de données, la seule collecte de données qu'il y a, c'est l'annuaire local, comme je le dis. Mais Sympa. sans annuaire local, le réseau fonctionne pas, puisque c'est une question de c'est comme un Internet. S'il n'y a pas de moteur de recherche, on ne trouve rien. Alors, l'annuaire local, c'est ce qui alimente le moteur de recherche. Voilà. Mais encore une fois, c'est local. Il n'y a pas de collecte, et ce sont seulement les référents de l'annuaire, donc les trois personnes chargées de cet annuaire, qui le possèdent. Personne d'autre, même pas les coordinateurs. Et si, sauf si le coordinateur est aussi référent. Ça arrive parfois parce que dans des petits villages, des fois, ils n'ont pas assez de monde, ils font les deux. Mais je veux dire, c'est pas le principe en tout cas. Voilà, voilà ce que j'aurais à répondre à ça. Mais merci de cette réflexion, Laura, parce que c'est arrivé, je le sais, hein, parce que on me le dit à chaque fois, et je réfléchis toujours à mes réponses. Pourquoi vous avez laissé de vous-même installer un pouvoir là où il n'y a pas de structure de pouvoir? C'est votre problème. Changez ça. Alors ça prend du temps des fois, parce que ça demande aux gens d'aller chercher des ressources en eux qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller faire remonter pour affirmer quelque chose et pouvoir aller non pas au conflit, mais à la confrontation avec ce qui ne va pas. Et souvent, ils le confondent avec conflit. On n'est pas obligé de le faire dans le conflit. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Donc des fois, ça prend un peu de temps. Et tant que ça prend du temps, ben, la cellule, elle ne bouge pas, elle ne fait rien, il ne se passe rien. Mais dès que c'est fait, on voit que ça part comme une bombe après, et ça s'autorégule toujours. Ce genre de problème humain, il est normal qu'on les ait de temps en temps avec ces prises de pouvoir, parce qu'on a toute la composante humaine, on accepte tout le monde dans le réseau. Donc on a toute la composante humaine. Voilà. Mais justement, c'est à chacun de faire le travail. Je dirais quand même que les petits problèmes de ce type-là représentent 1-2% grand maximum du réseau. Globalement, ça se passe super bien partout. Et quand il y a un souci, il s'autorégule au sein même de la cellule en général, très très bien. C'est ce que, en tout Alors, cas, ce que je vois en étant en contact avec tous, hein. C'est pas un truc que j'imagine. oui, tout à fait. Alors, si tu permets, je vais continuer à me faire l'interprète de d'autres questions qui s'en Bien viennent. sûr. Il y a une question que Sarah va afficher dans quelques instants qui dit, est-on obligé d'avoir un télégramme pour rejoindre une cellule ou existe-t-il un autre moyen en dehors d'une éventuelle adresse mail, s'il vous plaît? Voilà. Et c'est une question posée par Larme à l'âme. Voilà. Ben merci pour la question d'ailleurs, parce que ça me permet de rappeler une chose importante. On utilise des outils numériques aujourd'hui parce qu'ils existent encore, qu'ils fonctionnent et qui nous permettent d'aller très vite. Et Telegram est un outil très puissant et qui correspond bien à ce dont on a besoin. Mais c'est pas une obligation du tout d'avoir Telegram pour être dans une cellule. Il y a normalement dans chaque cellule un email, hein, déjà pour rentrer en contact. Et il y a au moins un tiers, on pense qu'à peu près un tiers de tous les membres Solaris qui ne passent absolument pas par Telegram. Il y a d'ailleurs pas que Telegram, on a d'autres supports. Hein. Il y en a sur Discord, il y en a même sur Facebook. Bon. Voilà. Mais en fait, c'est vrai que c'est Telegram le plus utilisé. Mais j'en profite pour rappeler que c'est pas parce qu'on utilise des outils virtuels que le réseau est virtuel. Le réseau est fait pour se rencontrer physiquement. Donc le virtuel, on l'oublie vite. On s'en sert pour aller vite, on s'en sert pour organiser des choses, éventuellement pour échanger des informations rapidement. Mais le but, c'est de se rencontrer et de commencer à œuvrer ensemble dans un esprit de résilience, d'autonomie aussi, parce qu'on va en avoir besoin. Le temps passe et passe vite. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, non, on peut se passer de Telegram pour être dans Solaris, bien sûr. Bien. Bien sûr. Une autre question, c'est une question d'ailleurs qui m'est remontée à plusieurs reprises, c'est à propos des infiltrés. Je te jure, Frédéric, depuis que j'ai annoncé ta présence dans l'émission aujourd'hui, depuis une semaine, j'ai reçu au moins 4 à 5 messages via une de mes assistantes qui disait oui, mais attention, Solaris est infiltré. On m'a même dit Solaris est infiltré par des gens de la franc-maçonnerie. Ils sont voilà, on est réticents, faites attention, etc. Bon, alors qu'est-ce que tu réponds à cette question? Parce que je pense que ça, c'est une vraie question aussi, c'est l'infiltration des réseaux militants ou des réseaux Bah oui. moyens. Bah déjà, on ne demande pas le pédigré des gens quand ils rentrent dans Solaris. Peut-être qu'il y a des francs-maçons, moi j'en sais rien. Encore une fois, l'infiltration des réseaux, elle est partout. Dès qu'on a fait notre première réunion à Rennes-le-Château le 26 septembre dernier, ils étaient déjà là. Ce n'est pas un problème. Ils infiltrent tous les réseaux tout le temps. Et ils ont infiltré le nôtre aussi, je le savais. On attendait simplement de savoir quand est-ce qu'ils allaient commencer à leur offensive. Ils ont commencé il y a environ un mois et ça n'a pas été très fin, ça aurait pu être un peu plus subtil, mais ils ont attaqué sur tous les fronts à la fois. La diffamation sur les réseaux sociaux, les coups de fil à la presse, les rumeurs qu'on laisse circuler qui sont fausses. La dernière en date, je l'ai vue tout à l'heure, je ne le savais pas, on est aussi un réseau sataniste, il paraît. Ça, c'est la Ah toute oui. dernière. C'est la d'aujourd'hui, celle-là. Et voilà, donc bref, ce genre, et notamment là où il y avait eu des infiltrations au sein des cellules, souvent avec des coordinateurs, donc qui étaient peut-être là pour ça, pratiquement au même moment, 48 heures, ils ont commencé à faire du ramdam, sécession, de la diffamation, et en fait, ça a fait pchit, parce que ça s'autorégule très vite. On a les moyens techniques très vite, les coordinateurs départementaux, voyant ce qui se passe, ils recréent une autre cellule. Tous les gens qui ne sont pas d'accord avec celui qui a pété les plombs, retournent dans la nouvelle cellule, on coupe les liens avec l'autre, c'est fini. Donc, ils ne peuvent pas y arriver. Leur infiltration, elle doit être un peu plus subtile que ça. Je ne les sous-estime pas, ils sont capables d'y arriver quand même, mais les moyens d'y arriver, c'est juste en semant la zizanie. Donc, moi, j'appelle toujours tout le monde à être extrêmement vigilant, parce que c'est pas forcément tous des infiltrés, ceux qui sèment la zizanie. Des fois, c'est juste des égos, des gens qui sont dans leurs blessures, etc. Mais on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre avec ça. Donc, s'il y a vraiment des gens qui, au sein d'une cellule, fichent la pagaille en permanence, ralentissent le travail de tout le monde, voire même dégoûtent les gens, parce que on m'a des fois fait part de ça aussi. Il y a du monde maintenant dans le réseau, donc ça existe. Même si ça représente 1%, peut-être, c'est ce que je dis, hein, mais ça existe. S'il y a des gens comme ça, on est bienveillant a priori, on accepte tout le monde, mais s'il y a quelqu'un comme ça, on l'écarte. Donc ça doit se faire là, très clairement, par les coordinateurs, non pas dans une autorité abusive, mais en expliquant ce qui se passe et en prenant à témoin la cellule elle-même, en voyant si tout le monde est OK avec ça, et à ce moment-là, on l'écarte. Mais en général, ils partent tout seuls, hein, parce que quand ils se sentent acculés seuls, ils partent. Ça s'autorégule tout seul. Voilà. Je tiens quand même à préciser. On parle des problèmes parce qu'il y a des réflexions, mais ça représente 1%. Je vous assure que partout, ça se passe super bien. Je suis même incroyablement étonné. Il y a des régions extraordinaires comme la Bretagne ou d'autres où, wow, c'est fabuleux comment ça se passe. Et on a aussi un travail d'intelligence collective et de cœur collectif qui est en marche sur des projets. Il faut voir à quelle vitesse ça va. Les compétences qu'il y a dans le réseau, c'est extraordinaire de voir ça. Ouais. C'est quand même ça qui me marque le plus. C'est pas les petits problèmes d'infiltration ou autre. Voilà. Par contre, méfiez-vous des rumeurs. Méfiez-vous des rumeurs parce que la diffamation, ça laisse toujours des traces, toujours. Même si elle part évidemment toujours de mensonges. Et les rumeurs, ça sert à rien de les colporter. Vous avez un doute sur quelque chose, vous allez à la source. Vous allez sur Solaris France, vous regardez qu'est-ce qui est écrit noir sur blanc, ça c'est la source. Si moi j'ai dit des choses, puisque je suis le seul à m'exprimer un peu là-dessus, c'est ce que j'ai dit qui compte pas, ce qu'on me prête comme propos. Voilà, et j'en profite pour rappeler aussi, de manière extrêmement ferme et claire, parce que ces rumeurs-là traînent aussi, nous sommes totalement non politisés, nous n'avons fait d'alliance avec personne. Nous sommes non religieux, nous n'appartenons à aucune société secrète, évidemment, nous ne sommes pas une entreprise, pas une asso, etc. Nous sommes un regroupement de gens très différents qui, tous avec leurs différences, essaient de faire quelque chose de nouveau maintenant pour bâtir un autre monde, là où ça devient plus que nécessaire. Il faut vraiment bâtir ce monde parallèle, et je sais que dans les autres réseaux, ils ont aussi cet état d'esprit, on est tous en contact de toute façon. Voilà, donc maintenant c'est ça. C'est ça qu'on fait, c'est pas autre chose. Donc j'invite tout le monde à aller au-delà de ça. Arrêtez avec les craintes, arrêtez avec les querelles. L'être humain est ainsi fait que de toute façon, on est tous faits pour appuyer sur les boutons rouges des autres. Donc, les boutons rouges, c'est nos réactivités personnelles. Elles sont le fruit de notre histoire, de nos blessures, de nos inconscients, etc. Faut arrêter avec ça. Arrêter d'avoir peur aussi. Parce que je vois trop de gens qui ont des craintes de tout. Mais arrêter d'avoir peur. On fait quelque chose de sain, de juste. D'accord, ça ne plaît pas aux gens qui sont au pouvoir, on le sait. J'ai suffisamment de renseignements précis là-dessus pour savoir qu'ils veulent notre peau, mais ça ne me fait absolument pas peur. De toute façon, ils ne peuvent pas décapiter ce réseau. Il n'y a pas de tête, donc ils ne peuvent rien faire. Voilà. Donc, et le nombre est important parce que maintenant, on est entre 40 et 50 000 quand même en France. Ils ne vont pas vous arrêter tous, hein, rassurez-vous. Surtout pour avoir créé un réseau de solidarité et d'entraide. Ils auront du mal à le justifier. Il y a encore des lois. Alors, je vais afficher quelques réactions pendant que tu parlais, Frédéric. Donc, ça ne nécessite pas nécessairement de commentaires. Charles-Marie qui dit absolument pas, ça fonctionne. Donc, il réagissait à ce que tu disais. J'en fais partie et ça marche. Il suffit que les gens adhèrent massivement. Voilà. Donc, merci Charles-Marie. Quelqu'un d'autre qui dit, Pierre Lassalle, qui dit, cet esprit Solaris est extrêmement porteur d'espoir. Merci pour cette bienveillance et cette clarté. Belle distinction entre compétence et hiérarchie. Maintenant, ah oui, il y a plusieurs personnes qui demandent, est-ce que c'est limité aux pays francophones? Dans quel pays est-ce que, pour l'instant, Solaris se développe? Voilà, ça c'est une question qui a été posée plusieurs fois. Ouais. Alors ça aussi, c'était pas prévu, hein. Déjà, quand j'ai vu d'autres départements arriver, j'ai commencé à la fois être content et à m'inquiéter. J'ai vu le travail que ça représentait. Donc déjà, au niveau français, aujourd'hui, je peux dire que, à l'exception d'un département, tous les départements sont vraiment actifs et les trois quarts très actifs même. La moitié des dom-toms aussi. Donc, on a vu aussi arriver d'autres pays assez rapidement. Donc aujourd'hui, il y en a à peu près, je dirais, une vingtaine. Donc tout ça en quelques mois à peine, hein, puisque ça date de fin septembre, hein, donc on a 5 mois et quelques, bientôt 6 mois. Il y a à peu près une vingtaine de pays. Alors, bien sûr, il y en a qui font que commencer. Les tout petits derniers arrivés là sont Haïti, Mexico, qui viennent d'arriver ces jours-ci, le Mexique plutôt. Et voilà, donc ça, les citer tous, bon, bah, il y a tous les pays autour de la France, donc il y a déjà pratiquement tous les pays francophones, pas loin, enfin, sauf en Afrique, il en manque, mais en Afrique, il y a quand même la Tunisie et le Maroc. Sinon, on a tous les pays du Benelux, donc Belgique, Luxembourg, on a la Hollande, on a l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, l'Espagne, le Portugal, ça c'est pour nos voisins directs, un peu plus loin la Roumanie, un peu plus au nord la Suède. Au sud, je l'ai dit, donc le Maroc et la Tunisie. Et on a bien sûr le Québec, que je salue en passant. Je sais qu'ils sont nombreux à te regarder là. Et j'ai d'ailleurs mis le site solaris-québec.org. Allez voir, amis québécois, parce que ils ont du mal à se faire connaître et croyez-moi, ils sont bien. Voilà, donc le Québec, je sais qu'il y a d'autres États du Canada qui nous ont contactés, mais ils n'ont pas encore commencé, comme l'Ontario, par exemple. Il y a eu le Brésil aussi. Alors le Brésil, c'est un peu, ça végète un peu. Il y a le Pérou. Enfin bon, je les ai pas tous en tête, mais voilà. Enfin, il y en a un paquet. Mais vous avez toute cette liste sur le site solarisfrance.org où il y a la liste des pays et de tous les départements. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à chaque fois qui, au lieu de demander, nous écrire pour dire est-ce qu'il y a une cellule chez moi, pitié, allez voir le site web. C'est marqué. Vous allez trouver le chemin tout de suite, parce que tous ceux qui répondent aux mails sont fatigués de répondre à 80% à ça, alors que l'information est sur le web. Faut quand même faire ce petit effort-là. Voilà. J'ai mis aussi Solaris Suisse parce que ce sont les trois sites web qui Ouais. existent sur Solaris. Les autres n'en ont pas pour l'instant. Donc voilà pour les Très pays. bien, Il y en a alors d'autres qui vont je. venir. Hein. La Russie est pressentie. Voilà, vous avez un scoop. Et puis il y en a d'autres qui vont Bon. arriver. Alors, oups. Bon, Sarah, je te laisse faire le changement d'image. Une réflexion qui me paraît intéressante aussi, qui dit le seul maillon faible est dans le statut et la procédure de désignation du coordinateur départemental À qui doit-il rendre les comptes? Alors, bah merci encore de cette question parce qu'elle comporte deux erreurs, mais il est important justement de les éclairer. Il n'y a pas de procédure de désignation, il n'y a pas de recrutement. Et à qui doit-il rendre des comptes? À personne, sauf aux membres de sa cellule. C'est tout. C'est-à-dire que comment arrivent les coordinateurs en général? Ben, parce que historiquement, ils sont les premiers à se proposer d'organiser quelque chose. Donc déjà, on peut leur dire merci. Même s'ils ne plaisent pas après, vous pouvez leur dire merci parce que c'est grâce à eux que ça a commencé en général. Partout, c'est comme ça. Donc ils se proposent, souvent provisoirement, parce qu'ils n'ont pas l'intention de le faire tout le temps. Et d'ailleurs, ça peut tourner, les coordinateurs, c'est fait pour, hein. Ils se proposent et il faut qu'ils aient le profil, c'est-à-dire qu'ils sachent quand même communiquer, il faut qu'ils parlent à tout le monde, il faut qu'ils aient une capacité de voir l'ensemble d'une cellule, donc de bassin territorial, comment ça se passe, si ça fonctionne bien, d'aider à organiser les choses, vérifier que l'esprit Solaris est respecté, parce que ça peut encore une fois arriver qu'il ne le soit pas, et ça c'est important quand même. On ne demande pas grand-chose, on demande juste de respecter l'esprit et le fonctionnement du réseau, c'est tout, hein. Après, chacun s'adapte autour, hein. Localement, on ne travaille pas chez Solaris en Suède comme chez nous. On ne travaille pas non plus à Paris comme à Rennes-Château, c'est certain. Chacun s'adapte à son territoire. Mais donc, il n'y a pas de recrutement. Ce n'est pas Solaris France qui décide que. Mais ça, c'est intéressant parce que ça veut vraiment dire qu'il y a beaucoup de programmation. Je suis désolé, il y a mon chat qui. L'un de mes deux chats qui fait son cirque, je ne sais pas si on l'entend. Donc. Il y a beaucoup de programmation, effectivement, souvent chez les gens, on s'en rend compte, de penser toujours et de raisonner toujours en termes de hiérarchie. C'est-à-dire que même si on leur dit qu'il n'y en a pas, ils voient le coordinateur comme issu d'une hiérarchie. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas nous qui l'avons désigné. Mais moi, je suis content quand quelqu'un vient me dire, bah, écoute, je prends la coordination du département, au moins provisoirement. Bah, merci parce que tu me soulages déjà. Merci de t'engager. Voilà. Et après, il peut changer ou pas. Voilà. Mais il n'y a pas de processus. Par contre, si vous avez un bon coordinateur, personne n'est parfait, hein, je vous le rappelle, mais si vous avez un bon coordinateur qui fait quand même du bon boulot, regardez ce qu'il a fait de bon et faites-lui confiance. Voilà. Encore une fois, ce qu'on appelle les leaders, c'est des gens qui ont juste une compétence dans laquelle on peut faire confiance. C'est ça. Voilà. Et si par contre, c'est arrivé qu'à l'inverse, une confiance soit trahie, bah, vous prenez les décisions qu'il faut au sein de la cellule. Voilà. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, quelqu'un dit, je suis coordinatrice, cela s'est fait tout seul, j'ai créé la cellule, je ne rendais compte à personne. Voilà, merci Kodama 11 de témoigner de cette expérience. Et d'ailleurs, je publie tout de suite un autre témoignage qui nous est venu sur Crowdbunker, qui dit, je confirme ce que dit Frédéric. Là, on t'a féminisé, Frédéric, du coup. Je fais partie d'un groupe Solaris, on y retrouve une vraie humanité. Voilà. Une petite question qui est, d'où vient le nom Solaris? Ah oui, c'est Bon, c'est moi qui l'ai trouvé, mais je sais pas, il s'est imposé quelque part. Alors, il y a l'idée aussi, enfin, on peut le lire à plusieurs niveaux, mais disons qu'il y a l'idée d'une énergie puissante et concentrée qui rayonne. Voilà. C'est surtout cette idée-là qu'il faut, je pense, retenir pour le nom de Solaris, ce rayonnement, parce que c'est ça l'idée. C'est que tout ce travail qui est réalisé par chacun, cette présence puissante qui est réalisée partout, maintenant, elle doit rayonner. Et c'est ce qui va se passer même au sein des villages, parce que demain, si les problèmes arrivent, sérieux, bah, les gens qui seront présents dans un village, parce qu'ils sont dans Solaris, pourront rayonner dans le village. Ils iront frapper aux portes, ils iront expliquer, vous inquiétez pas, on a un réseau de solidarité qui est déjà bien organisé, qui est là, vous pouvez nous rejoindre ou pas, mais de toute façon, on vous laisse pas tomber. Ils iront voir les personnes vulnérables, etc. Bon, voilà, c'est cette idée de rayonnement d'une énergie puissante, surtout. Faut surtout voir ça. Alors ici, une critique que je trouve intéressante, et en tout cas, si tu n'y réponds pas, moi j'ai envie d'y répondre, mais vas-y, je vais te laisser la parole. Radio Résistance Démocratie, qui dit, je trouve cette idée à chier. Pour une raison simple, ce qu'ils fondent est une petite société, par conséquent, ils ont abandonné la lutte de la grande et de la rediriger. Voilà, Mais alors. totalement, il est totalement d'accord avec ce monsieur. Sauf que lui, il la voit comme une idée à chier, moi pas du tout. Je vais juste rappeler un événement historique récent. On a eu un extraordinaire mouvement en France qui s'est appelé les Gilets jaunes, qui est un mouvement qui est parti spontanément d'une base Mais tous ces gens-là, avec leur grande sincérité, mais aussi leur naïveté de ce qu'est ce monde, peut-être, ont voulu jouer la carte habituelle de la manifestation. C'est-à-dire qu'ils ont joué sur l'échiquier habituel, qui est parfaitement maîtrisé par les gens auxquels ils voulaient s'adresser, et ils se sont fait littéralement laminer. Voilà. Avec une violence qu'on n'a jamais vue en France, quoi. Même en 68, quoi. C'est, enfin, peut-être dans une époque plus reculée, mais dans le monde moderne en France, on n'a jamais vu ça. Donc, ils se sont fait d'abord infiltrer, récupérer, désorienter et surtout laminer avec violence. Donc, l'idée de penser encore, de croire encore qu'en se battant contre, on arrive à quelque chose, c'est qu'on n'a absolument rien compris à des siècles d'histoire, tout simplement. C'est pas comme ça qu'on va y arriver aujourd'hui. Justement, il faut tenter autre chose. Et tenter autre chose, c'est le faire avec toute cette population qui est prête à ne pas vouloir en permanence en découdre et à les couper des têtes et les planter sur des pics, mais au contraire bâtir un autre monde dans une autre reliance, une fraternité et une bienveillance. Et croyez-moi, ils sont nombreux, très nombreux. Et on en rencontre partout. Il y a un tas de gens un peu partout qui font leur part à eux dans le même sens. Et c'est ça qu'il faut faire. Et plus toutes ces rivières-là, qui grossissent de plus en plus, à un moment donné, vont toutes se retrouver naturellement et organiquement dans un même fleuve. Ce sera tout un peuple. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent contre ça? Et ça va changer la société. Ça va la faire basculer, tout simplement. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que d'opérer comme ça. Celui qui croit qu'il va aller encore prendre la Bastille, il n'a rien compris à l'histoire. C'est juste une marque d'ignorance. Voilà, donc il faut un peu réfléchir. Réviser ses classiques, voir comment fonctionne le monde d'avant, le monde présent jusqu'à aujourd'hui, comment a fonctionné toutes ces choses. Ceux qui croient encore que la Révolution française a été un progrès initié par le peuple n'ont pas bien compris l'histoire non plus. Elle a été totalement organisée pour amener justement le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc je suis pas en train de dire qu'avant c'était mieux, c'est pas ça. Non, non, j'explique simplement que il y a une profonde réinformation des populations à faire sur leur véritable histoire déjà, pour qu'ils la comprennent, et pour commencer déjà sur les méandres et les mécanismes obscurs du monde dans lequel ils vivent, ou du monde dans lequel ils croient vivre. Parce que c'est pas du tout ça la réalité. Et donc voilà ce que je répondrai à ça, mais je te laisse compléter si tu as autre chose à dire à ce monsieur, je sais pas. Ben je trouve que finalement tu as très très bien répondu, tu as même été plus loin que ce que j'aurais dit, parce qu'effectivement, si on regarde l'histoire, effectivement, toutes les révolutions n'ont jamais, enfin aucune révolution n'a jamais été une révolution populaire, ça a toujours été manipulé par les gens qui aujourd'hui sont encore aux commandes du World Economic Forum, qui sont à vouloir instaurer un gouvernement mondial, et c'est clair que on ne peut plus se faire piéger de la façon dont on s'est fait piéger depuis des siècles. Et en plus, je dirais que il suffit d'avoir une petite graine, un petit réseau au départ, parce que au moment où les choses vont s'effondrer, eh bien, les gens du réseau, que ce soit de Solaris, que ce soit de Solidarita, que ce soit d'autres réseaux, Réinfo-Covid, etc., seront là pour tendre la main à tous ceux qui n'auront pas vu le train arriver en pleine figure, et seront là pour justement créer des contacts, des liens de solidarité. Et là, ça risque de faire une cristallisation très très rapide d'un réseau à l'échelle du pays et à l'échelle de la planète. Ouais, c'est bien pour ça que ma priorité aussi personnelle, c'est ce sur quoi j'insiste toujours auprès de tous les coordinateurs départementaux. Je leur suggère en tout cas ma vision, hein, c'est pas un ordre, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent, et d'ailleurs ils font ce qu'ils veulent. C'est de pardon. C'est de continuer à développer les ramifications du réseau pour qu'elles soient le plus nombreuses possible, qu'il y ait le plus de cellules possible afin que le territoire soit le mieux couvert possible pour être présent justement au sein des villages le moment venu. Ça, c'est très très important. C'est un mycélium, hein, c'est un mycélium qui se répand dans la forêt et qui va permettre à tout le monde d'être interconnecté. Mais pour ça, il faut continuer cette ramification en priorité. C'est vraiment très important. Ouais. Oui. Ne pas oublier aussi le réseau radio, parce que c'est important aussi. Alors, pas mal de réactions dans le public et je pense que le public apprécie de pouvoir justement poser des questions et qu'on réponde à leurs questions. Alors, d'abord, allez, comme ça tu te reposes un petit peu. Donc, quelques témoignages. Ça fonctionne admirablement dans la grande majorité des cas, à chacun d'appliquer le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Donc, merci pour cette suggestion. Quoi d'autre? Voilà. Au Pays Basque aussi, ça fonctionne très bien. Reliance, partage d'infos et le reste est en construction. C'est chouette de voir tout ça. Oups, je viens de. Oui, alors. Et donc, Lise qui vient de réagir à ta dernière intervention en disant, je suis d'accord, moi j'ai tout essayé avec les collectifs et avec les moments Louvre, nous faisons différemment. Voilà. Alors, une question pratique là. Qui dit, si les cellules sont indépendantes et non reliées entre elles, comment peuvent-elles s'entraider? En fait, ce n'est pas ça que tu as dit, mais ce serait peut-être intéressant que tu redises comment il y a quand même un lien au niveau des cellules et en même temps, comment ce lien fait en sorte que, on ne puisse pas infiltrer tout le réseau d'un coup. Non, les cellules ne sont pas indépendantes, elles ne sont pas étanches, elles sont toutes reliées. C'est comme les cellules du corps humain, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça des cellules. La seule chose que je disais qui est propre à une cellule, c'est son annuaire, c'est tout. L'annuaire ne sort pas de la cellule. Ça n'empêche pas d'interroger le référent de l'annuaire de la cellule d'à côté si on a besoin d'un complément. Voilà. Donc non, elles sont au contraire. Moi, j'incite tout le temps. Rencontrez-vous les uns les autres, pas seulement les coordinateurs et les référents, ils le font. Ils font tous, hein. Ils se réunissent même au niveau du département en général et interdépartement avec les plus proches. Voilà. Mais je le dis à tout le monde, d'un village à l'autre, à un moment donné, réunissez-vous. Faites des réunions de temps en temps ensemble. Voilà. Apprenez à vous connaître. Voyez comment vous pouvez organiser une meilleure synergie ensemble, puisqu'il y a plein d'ateliers concrets, hein. L'annuaire, c'est le premier niveau d'engagement, et on peut s'arrêter là si on n'a pas le temps de faire autre chose. Mais en fait, en réalité, il y en a un tas qui font un tas d'autres choses en plus. Il y a beaucoup d'ateliers, de travaux qui sont mis en place, très pratiques. Déjà, des protocoles de communication propres à chaque cellule. Ils s'organisent pour ça, hein. Mais aussi, ça peut être l'identification, par exemple, des points d'eau autour du village. Il y a tout un tas d'ateliers comme ça. Et souvent, d'ailleurs, ils se rapprochent aussi des réseaux existants qui ont fait d'autres travaux, déjà en permaculture ou ailleurs, pour se mélanger. On a beaucoup de gens d'autres réseaux, que ce soit InfoCovid, Notre Monde, les RSA, etc., qui sont, les Mamans Louvre aussi d'ailleurs, la Vague, qui sont au sein de Solaris et au sein du leur. Et pareil, nous, on a des gens de Solaris qui sont chez Solaris et ailleurs. Et c'est parfait que tout ça se mélange, que tout ça travaille ensemble. Donc voilà, par contre Solaris c'est un outil de reliance, les autres n'ont pas ça. Donc moi je leur dis toujours utilisez Solaris comme outil de reliance justement. Parce que si demain quelqu'un des RSA a besoin d'un besoin particulier sans réponse, ben, grâce à Solaris il va avoir la réponse. Il va la trouver dans son environnement proche. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc au contraire, il n'y a pas d'étanchéité, mélangez-vous et c'est ce qu'ils font d'ailleurs en général tous, ils se mélangent. Ils sont assez rares ceux qui ont décidé de travailler en petite poche fermée. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais enfin, bon, à partir du moment où ils respectent au moins le maillage minimum pour que ça fonctionne, c'est leur droit. Voilà. Mais globalement, la plupart ont surtout envie de se rencontrer, hein. Et d'ailleurs, au bout de quelques mois qu'ils se sont rencontrés, qu'ils se sont fait des copains, des copines, voire mieux, faut quand même qu'ils se souviennent qu'il y a un contexte extérieur et que c'est bien on ne peut pas être tout le temps les cigales, quoi. À un moment donné, il y en a qui restent des fourmis, mais il faut à un moment donné que les cigales aident un peu les fourmis aussi. Hein. Parce qu'on me fait part de ça un peu partout, qu'au bout d'un moment, ils sont tellement contents d'avoir déjà rencontré de nouvelles personnes qu'ils oublient un peu aussi le contexte général. Et c'est tant mieux, mais en même temps, il faut continuer à œuvrer parce qu'on a peu de temps pour organiser l'autonomie. Alors, encore plein de réactions, peut-être qu'on ne pourra pas les prendre toutes, mais voilà, un témoignage encore. Je suis référence à Solaris et très heureuse d'en faire partie. C'est un super réseau d'amour, de confiance, d'entraide, de fraternité et de joie de vivre. Qu'est-ce que je vois encore? Oui, quelqu'un qui dit Solaris se met en place et la critique est aisée. Attendez que les défaillances d'État, les coupures d'Internet arrivent et vous verrez. Effectivement, rien n'est parfait, mais comme le disait une des personnes qui m'a formé aux États-Unis, Don't forget that version one is always better than version none. Ça veut dire, n'oubliez jamais que la version une est toujours meilleure que la version aucune. Donc, faire quelque chose est toujours mieux que de ne rien faire du tout, même si c'est imparfait, mais ce qui est imparfait peut se perfectionner au fur et à mesure. Alors, quelqu'un qui dit, je fais partie, je suis dans l'Aude et c'est vraiment une belle initiative, il n'y a aucun problème. Oui, bon, ça c'est. Pourquoi a-t-on entendu plusieurs fois que les adresses finissant par .org sont douteuses? Moi, personnellement, j'ai jamais entendu cela. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce que j'ai vu que c'était solidaritafrance.org. Non, mais c'est. Non, mais. Moi non plus, j'ai rien à dire à propos de ça, mais ça fait partie de ces craintes irrationnelles qui circulent sur le net. Je sais pas. Oui. Il y a beaucoup de craintes, hein, invraisemblables qui circulent. Je sais pas Oui. pourquoi, il y a des gens qui donnent foi. Qu'est-ce que ça leur apporte de bon, en fait? Parce qu'à un moment donné, si on veut vraiment changer ce monde, il faut s'y mettre, je crois, moi. Il me semble, tout simplement. C'est Donc ça. il faut arrêter d'avoir peur, quoi. Il faut y aller. Faut se retrousser un peu les bras de chemise parce que toutes nos générations ont laissé faire ce monde. C'est notre responsabilité de l'arrêter. On va pas laisser ça au suivant. Enfin, moi, je refuse. Donc, on laissera pas ça au suivant, mais on va essayer de le faire intelligemment, en tout cas, et de leur offrir une belle plateforme de départ. Je suis sûr que il y a une voie pour ça, malgré les difficultés qui vont être croissantes dans les mois à venir, malgré des situations qui vont être jamais vues et qui vont déstabiliser et pire même beaucoup de gens. Mais je sais qu'il y a une voie et c'est cette voie qu'on doit suivre. Mais pour ça, il faut qu'on s'y mette et concrètement. Donc, quand on en est encore à se demander si je rentre dans Solaris parce qu'il y a un point org à la fin, c'est comme le gars qui sa maison brûle. Il regarde la marque de l'extincteur avant de l'utiliser parce qu'on n'est pas sûr. Est-ce que c'est la meilleure marque? Est-ce qu'il faut que j'utilise? Est-ce que le gars qui est venu m'aider là, c'est quoi ses opinions politiques? Parce que sinon ils m'aident pas. Enfin, c'est ridicule. À un moment donné, il faut arrêter quoi. Oui, Il faut juste avoir un peu de bon sens et arrêter de péter de trouille, surtout. Il faut arrêter d'avoir peur. Les gens qui veulent installer ce monde horrible là, qu'ils nous annoncent, sont une petite poignée. Ce qui les fait péter de trouille, c'est notre nombre. Alors arrêtez d'avoir peur. Par contre, continuez à avoir peur, vous resterez isolés dans votre coin, et là, on ne saura pas le nombre. Et là, ils seront forts. Et c'est ce qui se passe jusqu'à présent, mais ça va changer. Il y a en tout cas assez de gens maintenant qui sont prêts à ce que ça change. Ouais. Tal, tu voulais intervenir. Oh, génial, sortir des circuits d'argent. Parce que l'argent perturbe tout. Parce qu'il y a toujours des rapports durs. Moi, j'ai connu ça dans mon enfance. J'allais dans le Valais, dans les vallées. Il y avait encore les paysans sur le mulet. Mais il y avait une solidarité entre les gens qui était évidente. Parce qu'ils étaient dans la même vallée et qu'ils se donnaient des coups de main les uns aux autres. Tout ça fonctionnait de façon magique. Parce qu'il n'y avait pas. Je te fais payer le mulet, tu me fais payer ça. C'était de l'entraide. Et je trouve que c'est vraiment la force d'un réseau comme ça, c'est de sortir des systèmes d'argent. Un système d'argent nous tue. En tout cas, bravo. Moi, je suis très. Je trouve que Frédéric, tu parles très très bien de Solaris. C'est vraiment passionnant. Ça donne envie de participer parce qu'on sent vraiment que le futur, c'est ça. C'est des gens autonomes, responsables, qui s'entraident les uns les autres. Et c'est plus des gens qui attendent que Paris prenne des décisions à leur place. Ou d'autres. Mais tu Je vois, passe. la solidarité à l'ancienne dont tu parles, c'est exactement ça qu'on est en train de faire, mais d'une manière beaucoup plus large encore. Et le jour où ce sera vraiment à l'œuvre, on n'aura non seulement plus besoin d'annuaires, on n'aura plus besoin de Solaris, on n'aura plus besoin de rien. Solaris est là pour recréer ça. C'est tout. Parce que ça a été perdu, ça a été volontairement perdu. On nous l'a fait perdre. On nous l'a fait perdre. D'accord? C'est toute une ingénierie sociale qui a duré des siècles, hein. C'est retrouver, vraiment cet esprit de fraternité et de bienveillance réelle. Et effectivement, il ne faut pas pour ça qu'il y ait d'idée de marchandage. Donc, il n'y a même pas de troc, il n'y a même pas d'échange, parce qu'il faut aller au-delà de ça encore. Il y en a qui, des fois, me demandent, mais pourquoi on ne se sert pas des monnaies locales, les choses. Mais non, moi, je connais les monnaies locales, j'ai participé à la création d'une d'entre elles, mais il faut aller bien au-delà de tout ça. On doit réinstaurer un autre état d'esprit. Et c'est vraiment dans ce sens de ce que tu viens d'évoquer là, Tal, mais tu vois, d'une manière plus large, parce que ce qui se faisait autrefois au sein d'un village, et pas toujours au sein de deux villages, parce qu'il y avait souvent l'esprit clocher, là, ça va se faire au sein de tous les villages, et au-delà des villages, au-delà des frontières, etc. Et c'est aussi l'une des briques fondamentales, je pense, d'un fonctionnement sociétal demain qui viendra, avec des poches de fonctionnement beaucoup plus locales, avec une autonomie locale, mais tout le monde étant interconnecté. C'est-à-dire, c'est pas du tout des gens enfermés dans des bulles, quoi. Tout le monde sera interconnecté, mais on n'aura plus besoin de fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui. Ce sera beaucoup plus en circuit court pour tout, en fait, et avec pas du tout les mêmes besoins. On n'a pas besoin de tant de choses. Mmh. Enfin bon, beaucoup à dire sur le sujet. Oui, alors, encore quelques réactions. Bonsoir à tous, heureuse de voir ce nouveau monde qui s'organise. Je vais m'inscrire sur Solaris. Bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quelqu'un qui dit ça marche très bien, on se retrouve une fois par semaine, on y trouve de bien belles personnes et des liens d'amitié se créent. C'est effectivement ce que tu disais, Frédéric, il y a quelques instants. Quelqu'un qui qui pose une question, mais bon, j'imagine que ben ça, il suffit de le mettre en place, hein, dans certains groupes. Avez-vous pensé à ceux qui travaillent à refonder de fond en comble tous les paradigmes des sciences? Mon réseau travaille à un nouveau paradigme de la science, l'univers total. Il suffit de l'organiser dans sa région. C'est, j'imagine que, de nouveau, vas-y. J'ai plein d'idées, un tas d'entre nous ont plein d'idées, j'ai des projets, etc. Bon, là, j'essaie de pas me disperser, mais il est évident que le monde de demain, ce sera aussi une science très éclairée. Et quand je dis très éclairée, ça veut dire aussi très spiritualisée, mais pas du tout dans un sens religieux. C'est-à-dire, c'est une science avec la conscience de l'interaction du vivant. Alors, la physique quantique déjà nous amène. Déjà cette compréhension des interactions qu'il y a entre le monde au sein du monde vivant. L'observation éclairée de la science nous montre aussi que le modèle de la nature est un modèle d'entraide justement et de collaboration et non pas de prédation comme on nous le sort tout le temps. Genre c'est normal qu'il y ait des prédateurs, c'est comme ça dans la nature. Non, pas du tout. C'est pas le modèle dominant. Là aussi, c'est une idée reçue. Donc, ça fait partie de la réinformation. Donc, au niveau de la réinformation, il y a tellement de choses à faire, et dans les sciences, pareil. Donc, oui, on va le faire. Si on a envie de créer un atelier là-dessus pour commencer à œuvrer là-dessus au sein de Solaris dans une cellule, mais chacun peut faire ce qu'il veut. Mais je pense qu'on va devoir aller à une échelle supérieure encore après. Voilà. Mais chaque chose en son temps. Pour moi, je sais toujours de pas mettre la charrue avant les bœufs. Je suis très pragmatique. On trace un sillon, on trace une voie. Cette voie, elle va traverser le chaos. Et comme il était écrit quelque part, pas un cheveu du juste ne tombera de sa tête, parce que j'en suis persuadé. Si on reste vraiment aligné sur ces valeurs qu'on essaie de porter dans Solaris, je suis persuadé qu'on traversera très très bien ce chaos, là où pour d'autres, ça peut être une catastrophe. Alors, je fais une petite parenthèse pour accueillir Chloé qui arrive en retard. Alors, comment vas-tu, Chloé? Donc, on fait une petite parenthèse pour te demander quelle est ta température, quel est ton esprit en arrivant. C'est gentil, voilà. Comme tout. Merci Jean-Jacques, merci Tal et bonjour Frédéric, que j'ai eu au téléphone il y a deux jours. Donc, on s'est déjà présenté. Je vais très bien, c'est le printemps. Alors, je suis un peu en retard. Avec ma présentation, je vais vous présenter un petit peu les points importants du rapport Kinsey du Sénat, et ça m'a pris plus de temps que prévu, et j'ai sous-estimé le temps que ça allait me prendre. Donc je vais très bien. La Suisse a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses mesures sanitaires, donc elle est condamnée à la modique somme de 3 000 France-Suisse, donc c'est pas non plus la mer à boire. Parce que dans le cadre des manifestations, elles avaient été interdites au début de ce Corona Circus. Mais bon, c'est pas grand-chose. Et puis, autre chose que je voulais vous dire de bien. Oui, bah oui, on en a sûrement parlé au début dans l'introduction. Bon, Salim n'est pas là, donc peut-être pas finalement. Mais Olivier Véran a admis le 16 mars que finalement, toutes ces mesures ne servaient à rien, puisque en Allemagne et en Italie, ils les appliquent plus que chez nous, et que les courbes sont les mêmes. Donc voilà, cela pourra être retenu contre lui, et nous ne manquerons pas de le faire. Donc moi, je vais très bien, en pleine empathie, évidemment, en soutien avec Virginie de Arrojo Recchia, qui a été arrêtée avec 6 autres personnes, donc c'était hier, qui a été arrêtée le matin devant ses enfants, et également Isabelle Ferreira, je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'est une gilet jaune, une citoyenne qui avait eu l'idée de regarder la loi Schiappa concernant l'affaire de Brigitte Macron, et qui a détecté que la loi Schiappa faisait passer le délai de prescription des infractions sexuelles, disons, des atteintes sexuelles de 20 ans à 30 ans, ce qui remet le compteur pour 10 ans de plus concernant ce qui se passe avec Macron. Donc, à bon entendeur, Isabelle Ferreira a été retrouvée morte, prétendument noyée, le 6 mars, et c'est tout récemment que je l'ai appris. Donc voilà, ceci ayant peut-être un rapport avec cela. Donc voilà, mais dans l'ensemble, je vais bien malgré tout. Les choses sont de plus en plus transparentes, et ce rapport du Sénat que je vais vous présenter tout à l'heure en est un des symboles. Voilà, donc je suis ravie d'être avec vous. Merci de me laisser une petite place au milieu de l'émission, malgré mon retard. Je suis désolée d'être en retard. Bonjour à tous et à toutes, et voilà, on continue. Allez-y. Merci Chloé. Et ce que je trouve drôle, c'est que tu as fait un lapsus parce que tu parles du rapport Kinsey. Alors je ne sais pas si... Tu te souviens de ce rapport Kinsey, c'était le rapport sur la sexualité des hommes et le rapport sur la sexualité des femmes, et rien à voir avec McKinsey, voilà, mais bon. Oui, non, pardon, c'est le stress ambiant, c'est le rapport du Sénat sur les cabinets de conseil dont McKinsey tient le haut de l'estrade, disons. Effectivement, c'est pas le rapport Kinsey, autant pour moi. Merci Jean-Jacques. Non, mais c'est drôle. Alors, on va encore passer quelques minutes en compagnie de Frédéric pour découvrir encore d'autres aspects de Solaris. Ne posez plus de questions parce que de toute façon, on ne sera pas capable de les passer toutes. Mais une question qui me paraît importante, Frédéric, c'est celle-ci. Et ça, j'en ai eu des échos aussi cette semaine. Bonjour, certaines cellules prônent ouvertement de s'armer. Comment, qu'en pensez-vous? J'ai jamais entendu parler de ça. La première fois que j'en entends parler. Comme il n'y a pas de hiérarchie, qu'il n'y a pas de contrôle, qu'il n'y a pas de centralisation de quoi que ce soit, ce qui se passe au sein d'une cellule est de la responsabilité de tous les membres de la cellule. Donc, s'il y avait un Olibrius quelque part, qui recommandait d'acheter des chars ou des antimissiles, je sais pas quoi, pour essayer Solaris, et qu'il a pas tout à fait bien lu, je pense, l'esprit Solaris, parce que il est quand même assez clair, voilà. Donc, si vous, encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un dit ça, que c'est une réalité au sein de Solaris, parce que quand on dit des cellules dans Solaris, déjà, j'aimerais bien savoir lesquelles. Moi, j'en ai jamais entendu parler, et j'en aurais entendu parler, ça, je peux vous assurer. Parce que j'ai quand même un contact avec tous les coordinateurs départementaux. Ils peuvent pas ne pas entendre parler de ce qui se passe dans leur département ou au sein des cellules, puisqu'ils connaissent toutes les cellules. Donc j'en ai jamais entendu parler. Après, si quelque part quelqu'un au cours d'une réunion a sorti un truc comme ça, bon, voilà, c'est bon, on passe déjà à autre chose, quoi. Voilà, faut pas. Très bien. Est-ce que tu serais d'accord, Frédéric, qu'on évoque ce dont on a parlé, toi et moi, sur les liens qui pourraient exister entre mon projet et le tien, ou est-ce que c'est prématuré d'après? Non, si tu veux. Ce sera aussi d'ailleurs pour moi l'occasion d'une mise au point, parce que Évidemment, tout le monde m'a demandé « Ah, comment ça, on quitte Telegram pour aller sur Solidarita ?» Il a fallu que je l'écrive noir sur blanc, mais ça n'a pas suffi encore. Non, c'est pas ce qui est dit du tout. On cherche juste des alternatives, mais on va parler, après je te laisse parler, excuse-moi, mais j'en profite parce que oui. On cherche des alternatives, c'est-à-dire que si Telegram devait être fermé demain, et on ne sait jamais, parce que tout est possible, il ne faut pas planter tout le monde puisqu'il est très utilisé. Donc ça fait un moment qu'on a des gens chez nous plus compétents que moi qui planchent sur des solutions alternatives, il y en a. Elles sont pas très ergonomiques, c'est un peu le problème. Et puis Jean-Jacques donc m'a très gentiment proposé aussi de pouvoir utiliser Solidarita. Et d'ailleurs, il y a déjà des cellules Solaris sur Solidarita. Hein. C'est ce que j'avais dit. Il y a déjà six. Hein. Voilà, il y a six cellules Solaris sur Solidarita. Oui. Voilà, je rappelle qu'on utilise déjà plusieurs plateformes et Solidarita en est déjà une. Voilà. Simplement, ce sera si on devait un jour faire une migration et quitter Telegram. Vraiment, ben voilà, on sait qu'il y a aussi Solidarita et c'est ce que m'a proposé Jean-Jacques. Voilà. Merci de m'avoir donné l'occasion de le repréciser. Voilà, et je peux j'irais préciser aussi deux choses. C'est que donc, quand j'ai entendu parler de Solaris, de nouveau grâce à plusieurs personnes qui suivent l'info en question ou qui suivent les conversations du lundi, à force d'avoir des gens qui me disent « Ah, tu devrais contacter Frédéric Vidal, tu devrais contacter… » Bon, ben, finalement, je l'ai fait. Quand j'ai d'abord pris la peine d'écouter une de tes interviews du mois de janvier, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, ce que tu proposais me semblait mieux que ce que j'avais imaginé mettre en place pour Solidarita. Et donc je me suis dit, mais voilà, c'est génial. Par contre, ce que j'ai et ce que je peux mettre à la disposition du réseau qui est en train de se constituer, c'est une plateforme dans laquelle j'ai investi énormément d'argent et qui est de plus en plus solide, qui est extrêmement sécurisée. D'ailleurs, mes développeurs, en prévision d'accueillir quelques dizaines de milliers de personnes supplémentaires, m'ont demandé la permission de tripler la capacité en termes de serveurs et en termes de vitesse, ce que j'ai accepté. Je pense que c'est important effectivement que vous compreniez que aussi bien Solidarita que Telegram, que d'autres plateformes, que ce soit Discord, c'est juste des moyens de vous retrouver sur un plan physique, géographique, pour après vivre votre vie au niveau géographique, au niveau physique, au niveau des rencontres réelles. Et d'ailleurs, si vous regardez le slogan de Solidarita depuis un an, c'est le virtuel au service des rencontres réelles. Ça fait un an que ça existe sur le site de Solidarita. Et voilà, et donc nous allons faire une synergie qui, à mon avis, apportera énormément de choses à l'une entité comme à l'autre, et moi ça me fait très très plaisir. Ce que j'ai proposé aussi à Frédéric, parce que je suis en train d'enregistrer une petite formation pour toute personne qui veut animer un groupe ou qui veut gérer un groupe dans un sens de service, comme Frédéric l'a précisé tout à l'heure, c'est-à-dire pas une prise de pouvoir justement, mais comment est-ce que je peux veiller à la circulation de la parole, comment est-ce que je peux veiller à ce que chaque personne trouve sa place et la juste place dans un sens de service et de bienveillance. Et je suis en train de terminer l'enregistrement d'une petite vidéo qui sera utile aussi bien pour le réseau Réinfo Covid que le réseau Solidarita, le réseau Solaris, et les membres de Solaris évidemment seront bienvenus, seront les bienvenus pour suivre cette formation. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais préciser aussi, parce que c'est vrai de dire chaque personne est responsable, oui, mais certaines personnes ont besoin qu'on leur apprenne à être responsable et beaucoup plus autonome, parce que l'éducation n'a pas nécessairement toujours été dans ce sens-là. Voilà, je ne sais pas ce que tu as envie d'ajouter. Oui, merci. Mais c'est une question récurrente au sein des cellules, c'est que tout le monde n'a pas forcément eu l'expérience dans sa vie de travailler en collectif. Donc, c'est parfois très compliqué pour ceux qui n'ont jamais eu cette expérience. Ils ont besoin d'outils. Alors, on leur en donne parce qu'on a des compétences quand même dans le réseau. mais c'est pas, c'est jamais suffisant, c'est vrai, parce que il faut apprendre, très rapidement finalement à savoir gérer une parole, le respect d'une parole. C'est pas évident parce que les gens sont tellement habitués à se couper la parole en permanence, rien que ça déjà. Voilà, donc il y a des méthodes, effectivement, il y a des outils, et c'est ce qu'on va essayer de fournir. Et merci à toi si tu donnes aussi un outil pour ça, parce que c'est tout ça, c'est ça ce que j'appelle l'intelligence collective et l'intelligence de cœur, hein, de toute façon. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que Solidarita, c'est très très bien accueilli au Québec déjà, hein. Solaris Québec. J'ai eu au téléphone de coordinateur avant-hier. Bah eux, ils sont très contents en fait, hein, de ça, parce que il y a une synergie encore plus étroite, puisqu'il y a quand même beaucoup de Québécois, je crois, déjà dessus. Donc ça va leur permettre aussi d'avoir une meilleure synergie, de mieux faire connaître Solaris. Et voilà. Donc il ne faut pas toujours que les Français voient que leur côté à eux. Hein, faut penser aux autres aussi. Voilà. Mais ça c'est moi. Ça, c'est mon avantage d'être européen d'origine, mais d'avoir passé de l'autre côté de l'océan, parce que je suis resté très attaché à mes réseaux en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, tout en ayant une attention particulière au Québec, qui est ma passion de ma nation de je dirais d'adoption. Et effectivement, Solidarita a été aussi à l'origine de certains groupes au Québec qui sont devenus finalement Réinfo Covid Québec, mais c'est au niveau de Solidarita au départ que ça s'est créé. Et ils sont un groupe de 150 personnes qui constituent maintenant Réinfo Covid Québec. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ne viennent quasiment plus maintenant sur Solidarita. Pourquoi? Ben parce qu'une fois qu'ils se sont trouvés, une fois qu'ils se sont rencontrés, c'est pas nécessaire de rester en ligne, c'est de retourner sur le terrain. Et ça, je crois que c'est vraiment le message que moi aussi je veux faire passer, c'est que c'est fini de croire que simplement en postant et en publiant des informations sur les réseaux sociaux, on change le monde. Non, on change le monde en allant trouver son voisin et en créant des véritables liens de solidarité, de bienveillance, d'entraide. Sinon, le jour où on coupera Internet, on sera bien dépourvu. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as encore un mot à dire, une chose sur laquelle tu veux insister pour terminer, Frédéric. Non, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui, on peut pas demeurer depuis 2 ans déjà sur l'unique constat, parce que ce que je vois aujourd'hui sur le web alternatif, c'est que ça, c'est du constat. Pardon, du constat et de la réactivité aux situations, avec des analyses qui sont souvent d'ailleurs très étroites, qui n'ont pas du tout la vision d'ensemble. Et moi, ça me fout un peu en colère des fois, parce que je vois à travers ça que ce processus extraordinaire de conscience qui est à l'œuvre aujourd'hui, parce que c'est ça, ces 2 années qui viennent de se passer aussi, moi je le vois comme ça. C'est l'opportunité d'avoir un processus de conscience accéléré très puissant. Et il faut l'avoir, on n'a pas le choix. Et il va encore s'accélérer. Il végète beaucoup à cause de cet état figé de constat et de critique basé sur le connu de l'ancien monde. C'est-à-dire, on en est encore à se dire, on a des incompétents, les politiques sont des incompétents et tout. Mais pas du tout. Ils font exactement ce pour quoi ils sont payés. Ce qu'ils font, c'est de l'ingénierie sociale. Il y a toutes les techniques d'ingénierie sociale à l'heure actuelle à l'œuvre. C'est pas le fruit du hasard. C'est pas de l'incompétence. Si vous disent un jour un truc et le lendemain son contraire, c'est voulu. C'est pour semer de la confusion. Donc, arrêtez d'être encore là-dedans. Arrêtez de se dire, ouais, mais aux prochaines élections qui arrivent, on va l'avoir et tout. Ben, si vous croyez que c'est comme ça, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'étaient les élections encore, ni ce qu'ont été les dernières, et qu'il faut vous intéresser un peu plus aux fraudes électorales. Voilà, aujourd'hui on doit aller au-delà, on est bien d'accord, et aller au-delà, ben, c'est maintenant, ça suffit, on se retrouve et on commence à bâtir quelque chose d'autre, voilà. Et on va pas se battre contre, parce que en face de nous on a des gens qui ont des moyens colossaux, ils sont là depuis des siècles, ils ont de l'argent, on n'en peut finir, ils ont qu'à taper de lignes, ils en créent autant qu'ils veulent, et ils ont des moyens technologiques que vous n'imaginez même pas la plupart du temps, parce que ça aussi c'est un sujet dont il faudra parler. Peut-être qu'on aura l'occasion d'ailleurs de parler en émission, je ne sais pas quels sont les sujets que vous allez aborder, Mais il y a un sujet qui a été complètement oublié ces deux dernières années et qui est le plus important, ce sont les ondes. C'est l'arme principale qu'ils vont utiliser contre tout le monde. Je rappelle très vite fait, hein, tu m'arrêtes si je suis trop long, mais le 17 mars 2020, quand le premier jour du confinement en France est passé un décret, je l'avais publié à l'époque, ce décret qui est passé, c'était pour libérer l'installation des antennes de toute contrainte, le jour même. Et dès le jour même, on a vu des équipes qui étaient donc prêtes bien avant, qui ont commencé à installer, ils ont fait ça pendant tout le confinement. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont fait ça? Vous croyez que c'est juste pour profiter d'une aubaine financière? Pas du tout. Les ondes, c'est ce qui est le plus dangereux à l'actuel, c'est ce qui nous fait le plus de mal. Oubliez les histoires de guerre, les histoires de Covid ou je ne sais trop quoi, ce sont les ondes. Et quand l'offensive va être vraiment déclenchée au niveau des ondes, on vous fera sûrement croire que c'est pas ça, que c'est autre chose. Pourquoi pas une attaque bactériologique des Russes, on va nous inventer ou je sais pas quoi. Mais croyez-moi, quand ça va commencer, c'est là que ça va faire très mal. Voilà, donc je vous profite pour rappeler ça. On a déjà abordé à plusieurs reprises cette histoire de la 5G et c'est pas par hasard d'ailleurs que dès le mois de mars 2020, dès qu'on publiait quelque chose entre Covid et 5G, on se faisait mais dézinguer plus vite que la vitesse de l'éclair par les réseaux sociaux, par les médias sociaux, c'était vraiment extraordinaire. Et pour nous, c'était un indice qu'effectivement, il y avait un lien. Alors évidemment, les journalistes nous ont ridiculisés en disant « oui, les complotistes disent que la 5G va donner le virus ». Non, c'était pas du tout ça qu'on était en train de dire, mais bon, ils sont tellement cons ou tellement corrompus que… C'est ça qu'on nous a reproché. Et d'ailleurs, un de nos prochains invités dans quelques semaines, ce sera le professeur Héroux, qui est une sommité au Québec en matière d'ondes électromagnétiques. Et il y a 2 ans, je l'avais sollicité. Et à l'époque, il ne voulait pas prendre position parce qu'il disait non, ça c'était des propos qui paraissent complotistes, etc. Et aujourd'hui, parce qu'il est professeur d'université, donc il voulait quand même faire gaffe. Et là, il s'est rendu compte que non, c'est une guerre déclarée contre la population à travers les réseaux de 5G. Et il s'est maintenant engagé totalement, clairement, contre le déploiement de tous ces réseaux. D'ailleurs, ici au Québec, on s'est rendu compte que la plupart du temps, les équipes d'ouvriers travaillaient la nuit, figurez-vous. Ils installaient les antennes pendant la nuit et pendant la journée, on ne voyait rien. C'est assez. Ils ont fait ça en France aussi. Ouais. C'est une arme de destruction massive du vivant, tout simplement. C'est ça. Exactement. Donc, il va falloir s'en occuper quand même. En tout cas, Frédéric, merci beaucoup pour cette initiative. Merci d'avoir présenté cette initiative au public de l'info en question. Et donc, tu restes avec nous jusqu'à la fin de la soirée. Et donc, je t'ai dit que la règle du jeu, c'est que si tu restes avec nous, ben, tu commenteras, si tu en as envie, en tout cas, nos différentes chroniques. Non, j'ai un peu la même grille de lecture que toi là-dessus. Juste pour... je pense que cette guerre, entre autres, en dehors de divertir les gens, effectivement aussi d'autres sujets, mais c'est pas un divertissement par contre pour ceux qui la vivent. C'est surtout l'une des parties visibles, je pense, peut-être aussi de ce combat qu'il y a entre les mondialistes eux-mêmes. Ils sont pas unis du tout. Donc moi je vois ça depuis un moment contre la guerre des satanistes contre les autres. Et je pense que les satanistes vont se faire virer, mais ceux qui vont venir après, même s'ils sont peut-être pas aussi abominables, ça reste des gens qui veulent instaurer un système de crédit social et un contrôle absolu des populations. Et il n'y a rien de bon pour nous là-dedans non plus. Voilà. Le sauveur n'est pas extérieur à nous. C'est à nous de nous occuper de notre cas. De nouveau, Frédéric, est-ce que tu as un commentaire à faire sur l'intervention de Salim? Le constat, là, encore une fois, que la vérité ne suffit pas. Aujourd'hui, dans ce monde, la vérité ne suffit pas. Parce que la vérité, on est très nombreux à la dire depuis... on va parler même que ces 2 dernières années. En fait, ça fait depuis 20 ans, 30 ans. Mais disons, ces 2 dernières années, déjà beaucoup de vérités ont été dites, prouvées, documentées, argumentées, ça ne sert strictement à rien. on aurait pu tout arrêter si ça avait servi à quelque chose dès le départ. Puisque tout est basé sur des mensonges, et que ces mensonges, on en a les preuves, que ce soit les tests PCR qui sont totalement bidons, que ce soit les statistiques de ce qu'on appelle le Covid qui sont bidons. Ça, je les ai publiées début janvier 2021 dans France Soir. J'ai publié celle de l'INSEE, qui était bien cachée dans le site de l'INSEE. Il fallait les chercher très profondément. Je les ai toutes publiées. J'ai pas été attaqué. C'est marrant. On a dit que je disais n'importe quoi, mais personne n'a attaqué en justice François pour ça. Hein. Donc, bien sûr, elles étaient vraies. Mais la preuve, c'est que ça suffit pas. Donc, on voyait qu'en 2020, il y avait déjà pas plus de morts qu'avant. Ça aurait dû tout arrêter. Didier Raoult a confirmé ça un mois après, avec un mois de plus, il avait et plus de précision. Ça n'a rien arrêté. Donc, il faut vraiment s'interroger, vraiment aujourd'hui, s'il faut continuer sur ce registre uniquement de dénoncer, de lancer des procès, etc., alors que la machine continue à avancer comme en s'en foutant complètement, avec évidemment l'appui d'une presse totalement corrompue. Donc on voit que ça ne sert pas à grand-chose, voire à rien du tout de dire la vérité. Je pense qu'il y a une autre voie à trouver, c'est ce que je disais tout à l'heure, et qu'il faut bâtir autre chose maintenant, réellement, comme on a essayé de le faire chez nous à Solaris. Voilà mon commentaire.